My name is King T'Challa. Je suis le roi T'Challa. Son of King T'Chaka. Fils du roi T'Chaka. I am the sovereign ruler. Je suis le souverain dirigeant de l'État du Wakanda. And for the first time in our history. Et pour la première fois de notre histoire. We will be sharing our nous partagerons nos connaissances resources et nos ressources avec le monde extérieur. Wakanda will no longer watch. Le Wakanda ne se contentera plus d'observer dans l'ombre. We cannot. Ce n'est plus possible. We must not. Ce n'est plus souhaitable. We will work to be an example. Nous devons montrer l'exemple, montrer comment, en tant que frères et sœurs qui partageons cette planète, nous avons le devoir de nous respecter les uns les autres. Aujourd'hui, plus que jamais, les divisions font rage et mettent en péril l'espèce humaine tout entière. Nous le savons pourtant bien, ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Quand les temps sont difficiles, le sage construit des ponts et l'idiot érige des barrières. Nous devons absolument trouver le moyen de prendre soin de notre prochain, comme si nous ne formions qu'une seule et unique tribu. Sauf votre respect pour T'Challa, qu'est-ce qu'une nation d'éleveurs pourrait bien offrir au reste du monde? Ça fait 2 ans que je veux consacrer une émission à un de mes super-héros favoris, Black Panther. Et pourtant, ça fait 2 ans que je procrastine, que je repousse l'idée. Alors pas par manque d'envie, mais parce que j'ai intégré malgré moi un schéma de pensée pas très glorieux. Cette saison par exemple, après avoir évoqué Alexandre Dumas et le groupe Cassave, j'avoue, j'ai tout de suite anticipé les messages d'auditeurs qui me reprocheraient d'avoir un agenda communautariste si j'enchaînais directement avec une émission sur Black Panther. Pourtant, quand j'y réfléchis, combien de blockbusters où j'ai parlé de réalisateurs, de chanteurs ou de dessinateurs blancs sans qu'on ne m'accuse jamais pour autant de faire du communautarisme? Pourquoi, quand j'aborde pour la 3e fois le sujet de l'identité noire sur une 40aine d'émissions, j'ai déjà l'impression d'être le Malcolm X de la culture geek? Parce que je vis dans un système qui supporte mal la pluralité de ses identités. Vous pouvez penser que j'exagère, mais il faut savoir que le simple fait d'avoir dit que le père d'Alexandre Dumas était un ancien esclave métis m'a valu des mails de rageux m'expliquant que le mouvement Black Lives Matter n'avait pas sa place sur le service public. On en est là. En 2020, dire que le grand-père d'Alexandre Dumas était noir, ce qui est un fait, est perçu par certains comme un séparatisme identitaire. Comme dirait l'autre, on n'est pas rendu, hein. Voilà pourquoi j'ai repoussé l'idée de consacrer un blockbuster à Black Panther. Et puis le 28 août dernier, j'ai appris la mort de Chadwick Boseman, son interprète au cinéma, d'un cancer du côlon contre lequel il se battait depuis 2016. Chadwick Boseman n'a rien dit de sa maladie aux différents réalisateurs avec lesquels il a travaillé, car pour lui, ses rôles, c'était la chance d'une vie, maintenant ou jamais. Chadwick Boseman n'a jamais rien repoussé au lendemain, car il savait quelque chose que l'on peine trop souvent à comprendre, des fois, demain n'existe pas. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Millions of years ago, il y a des millions d'années, a meteorite made of vibranium, une météorite faite de vibranium, the strongest substance, la matière la plus puissante de l'univers, s'écrasa sur le continent africain. Affecting the planet. Elle affecta toute la flore alentour. And when the time of plus tard, quand l'homme est arrivé, 5 tribes settled on it. 5 tribus se sont installées dans cette région et l'ont appelé Wakanda. En 1966, Stan Lee et Jack Kirby, les principaux architectes du monde Marvel, créent dans les pages des 4 Fantastiques le premier super-héros noir de leur univers, Black Panther. T'Challa est le monarque d'un royaume imaginaire, le Wakanda, un pays africain qui n'aurait jamais été colonisé et qui jouirait d'une technologie basée sur une ressource naturelle aux propriétés quasi surnaturelles, le vibranium. T'Challa a le génie d'un Reed Richards des 4 Fantastiques, l'agilité et la force d'un Captain America, mais contrairement à ses collègues super-héros, n'est subordonné à aucune puissance occidentale et dispose de la puissance et de la culture de tout un royaume vieux de plusieurs siècles. Bien sûr, beaucoup diront que c'est un royaume imaginaire, mais Asgard aussi, et ça n'empêche pas que Thor et ses fans. Bien que moins connu que Spider-Man ou Hulk, depuis des années, ce personnage fait le bonheur des lecteurs de comics, dont moi, Mais c'est le film de Ryan Coogler de 2018 et le phénomène qui aura entouré sa sortie qui auront fait exploser la popularité de ce personnage et de son interprète, Chadwick Boseman, récemment décédé. Pour revenir sur la genèse de ce personnage, j'ai avec moi Gaël, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste comics freelance, actuellement chez Marvel, pour des variant covers, et vous participez à un projet de comics auto-édité réunissant des scénaristes et dessinateurs noirs, américains et français, intitulé « Noir is the New Black ». C'est ça. Avec nous également, et je suis ravi, Rokhaya Diallo, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes journaliste et essayiste, votre dernier ouvrage s'intitule « Ne reste pas à ta place, comment arriver là où personne ne vous attendait » paru aux éditions Marabout, et vous animez aussi le podcast « Kif Taras » produit par Binge Audio, et vous êtes correspondante pour le Washington Post. Tout à fait. Avec nous également, Michel Bampelli, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes sociologue de la culture à l'école des hautes études en sciences sociales et auteur d'une thèse et d'un ouvrage intitulé « Sociologie des cultures urbaines » qui paraîtra en 2021. Oui, c'est ça. Et avec nous, un revenant, Arnaud Tomassini, bonjour. Hello. Alias Arnaud Kikou. Voilà, enfin. Vous êtes journaliste culturel et ancien rédacteur en chef de comicsblog.fr, le premier site spécialisé en comics en France. Et vous êtes également le créateur du podcast The Pulse, dédié au journalisme culturel. Et vous lancez actuellement votre tout nouveau média podcast 100% comics, baptisé First Print, que l'on pourra découvrir dans quelques semaines. Exactement, merci pour la promo. Ensemble, on va retracer l'histoire de Black Panther, son évolution au sein de la maison d'édition Marvel, qui s'est faite en parallèle de l'histoire des Afro-Américains. On parlera des différents scénaristes de Black Panther, quels sont les arcs scénaristiques à ne pas manquer si on veut découvrir ce comic book. On parlera du succès du film Black Panther et de ce qu'il a représenté pour Marvel Studios. On parlera bien évidemment de Chadwick Boseman et de sa disparition si soudaine, mais aussi des polémiques qui ont entouré l'histoire de ce film et de ce personnage. Bref, en résumé, on est ensemble pendant une heure à bord de Blackbuster. Ces tribus étaient constamment en guerre les unes contre les autres, jusqu'au jour où un guerrier chaman reçut une vision de Bast, la déesse Panthère. Elle lui fit découvrir l'herbe cœur. Une plante qui octroyait une force, une vitesse et une intuition surhumaine. Le guerrier devint roi et le premier Black Panther, le protecteur du Wakanda. Quatre des tribus prêtèrent allégeance au roi. Mais la cinquième tribu, les Jabari, choisit d'aller se terrer dans les montagnes. Les Wakandais utilisèrent le vibranium pour créer une technologie plus avancée qu'aucune autre nation. Mais tandis que le Wakanda prospérait, le reste du monde sombrait dans le chaos. Pour protéger le vibranium, le peuple wakandais fit le vœu de demeurer invisible, cachant ainsi son véritable pouvoir au monde extérieur. Arnaud Tomassini, comment et surtout dans quel contexte est né Black Panther ? Alors Black Panther, comme tu l'as dit avant, c'est né donc en 1966, c'était dans Fantastic Four 52-53 qui sont datés de l'été donc de l'été de cette année. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait le nom de Black Panther en fait précède le mouvement américain Black Panther de quelques mois. C'était une unité de chars, c'est ça ? Un bataillon de chars. Alors il y a une origine par rapport, oui, à ce qui avait été, enfin le nom avait été utilisé effectivement pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, mais par rapport au contexte de création qu'on lit souvent donc au mouvement des droits civiques aux États-Unis, en fait Stan Lee disait en interview qu'il n'avait pas du tout créé ce super-héros par rapport à ce mouvement et à ce qu'il allait devenir ensuite, mais tout simplement parce qu'il s'était rendu compte qu'il avait des amis, des dessinateurs, des lecteurs qui étaient noirs, et lui sa volonté, comme il l'avait fait avec Peter Parker pour le public adolescent, en fait c'était de créer un héros qui trouve aussi un écho auprès du lectorat qui était noir américain. Et alors ce personnage se distingue des autres super-héros Marvel à quel niveau, Gaël, notamment, qu'est-ce que, pour décrire à des gens qui ne connaîtraient pas Black Panther, qu'est-ce qu'il différencie des autres super-héros Marvel? Il y a la simplicité du costume, tout noir. Des lignes très claires, voilà. Très fines. Qu'est-ce qui pourrait le différencier des autres? Le fait que ce soit un roi. Il y a un royaume derrière lui. Voilà, il y a un royaume derrière lui, un royaume fictif en Afrique, comme tu disais, qui n'a pas été conquis par des colons blancs ou d'Occident. Voilà, en gros, c'est ça qui le démarque au début, puis après, c'est au fur et à mesure des histoires qu'il y a d'autres choses qui le démarquent des autres super-héros. C'est aussi un personnage extrêmement intelligent. Oui. C'est un génie. Apparemment le huitième plus intelligent de l'univers Marvel. De l'univers Marvel. Voilà. Il est aussi dans sa famille. Il y a Shuri, oui. Sa sœur, qui oui. au au fil des différents scénaristes va prendre de plus en plus d'importance. Exactement. Et puis il y a ce vibranium, cette ressource qui serait arrivée avec une météorite qui donne au Wakanda une technologie beaucoup plus avancée que le reste du monde. Il y a cette dimension là aussi. Ouais, après ça fait aussi écho justement aux ressources naturelles qui sont plus ou moins convoitées par d'autres puissances sur la planète. Donc là sur ce continent là, ils n'ont pas été conquis par des forces extérieures, donc ils ont gardé le contrôle des ressources de leur pays, qui leur a permis un développement plus important et plus rapide que ce qu'on connaît. C'est d'ailleurs son ennemi Ulysses Klaue, oui. Qui veut à tout prix s'emparer du vibranium, et c'est justement pour réussir à mettre fin à cette tentative de mainmise sur le vibranium que Black Panther, T'Challa, demande l'aide des 4 Fantastiques dans ce premier numéro. Dans les numéros 52 et 53 des Fantastic Four, exactement. Ouais. Alors c'est un personnage aussi qu'on a retrouvé très rapidement chez les Vengeurs, Arnaud Tomassini. Bah, c'est dans ses premières aventures. Oui, parce que grosso modo, il y avait l'idée de vouloir donc introduire ce premier super-héros africain chez Marvel. Donc c'est pas un Afro-américain, ce qui avait quand même son importance à l'époque. Parce que malgré la volonté de Stanley et Kirby, le lectorat américain n'était pas encore prêt de voir un noir américain avec des pouvoirs. Ça, c'était encore hors de question par rapport à leur lectorat trop conservateur. Donc en fait, c'est pour ça qu'il vient d'Afrique. Au départ, voilà, c'est justement parce que c'est un Africain, ça passait. Ça passait mieux si c'était un Africain que si c'était un Afro-américain. Ouais. Et donc, oui, dans les premières aventures en comics, c'est justement on mêle à l'univers Marvel. Donc, il va prêter main forte aux Vengeurs, il va prêter main forte à d'autres super-héros, mais il n'aura pas encore forcément ses aventures au Wakanda. Toujours, c'est plutôt effectivement un membre qu'on ajoute en fait aux autres super-héros. Et c'est après, avec l'arrivée d'autres scénaristes, qu'on va avoir un développement aussi du contexte wakandais, je dirais. Mais vraiment, et qu'on va pouvoir aussi développer la mythologie du personnage et de sa culture. Voilà. Est-ce que Stan Lee et Jack Kirby étaient conscients initialement des ramifications politiques que pouvait avoir même la création d'un univers fantasmé comme le Wakanda? Parce que dès l'instant où on parle d'un pays africain qui n'aurait jamais été colonisé et qui aurait une technologie avancée comme ça, forcément ça crée une uchronie dans lequel on se dit bah oui, mais dans les heures sombres, d'ailleurs il y a eu que des heures sombres de l'esclavage, quelle était la position du Wakanda? Est-ce qu'ils étaient conscients de tout ce que ça impliquait politiquement quand ils ont lancé ce personnage, ou c'était vraiment juste un royaume imaginaire comme ça, et c'est avec les différents scénaristes que ça a été développé? Alors personnellement, je ne pense pas qu'ils étaient forcément conscients de toutes les ramifications. Ils ont été quand même des cerveaux très créatifs, ils ont eu énormément d'idées, mais je pense pas comme le dit Stanley, quand il dit qu'il veut juste créer un super-héros qui ressemble à ses lecteurs, il n'a pas forcément toutes ses idées en tête, parce que je pense même qu'il n'était pas forcément la personne la mieux placée pour parler de ces thématiques. Bien sûr qu'il a parlé d'oppression, de racisme et de discrimination, vu qu'il était d'ascendance juive, mais la question noire, c'était pas forcément lui qui devait forcément être le plus à même d'en parler. Donc après, il y avait l'imaginaire de Jack Kirby qui était très florissant, c'est de reprendre des constructions futuristes et cosmiques et les adapter à des formes qui rappellent plus tous les paysages africains, la jungle, tout ça pour bâtir le Wakanda. Mais c'est des briques. Oui, c'est une civilisation qui reste traditionnelle. Il y a des masques. Premiers numéros, surtout, en fait, c'est pas du tout le truc l'afrofuturisme qu'on voit notamment ensuite dans les films ou dans d'autres comics. En fait, on voit des jungles métalliques, mais après il y a aussi des choses. Des costumes traditionnels, des huttes, des choses. Donc on est encore dans quelque chose d'une certaine vision de l'Afrique qui visera à se développer après. Michel Bampelli, que représente ce Wakanda qui n'a eu de cesse de prendre de l'importance dans l'imaginaire collectif à l'échelle des identités noires? Le Wakanda représente en fait cette Afrique mythique, cette Afrique rêvée, celle que les intellectuels africains attendaient après en fait les indépendances des pays face à l'oppression occidentale. Je dis aussi que le Wakanda fait un lien également avec une Afrique antique qui a été traitée celle des pharaons, qui a été traitée par des intellectuels comme Tchekonta Diop ou Théophile Obenga. Et dans un des clips justement qui promotionne le film Black Panther dans la bande originale, tous les acteurs sont habillés en pharaon. Donc c'est ce lien avec finalement ce mythe africain du passé et le mythe africain du futur. Rokhaya Diallo, est-ce que déjà vous connaissiez le comic book avant le film, ou c'est vraiment le film qui a été une découverte? Non, j'en avais entendu. Enfin, moi, je l'avais pas lu, mais j'en avais entendu parler par des personnes de mon entourage comme étant la Panthère Noire. Ça paraissait déjà en France, vraiment même avant ma naissance. Après, je voudrais quand même revenir sur le contexte de la création de Black Panther, parce qu'on était quand même aux États-Unis en 1966, et même si consciemment, à l'époque, Stan Lee ne revendiquait pas le fait d'être inspiré par les mouvements des droits civiques, aux États-Unis, c'était un sujet qui était omniprésent. C'est-à-dire qu'en 66, on était 2 ans après la loi sur les droits civiques, 2 ans après la mort de Malcolm X, 2 ans avant la mort de Martin Luther King, donc c'était quelque chose qui était tellement présent dans la société américaine que même de manière inconsciente, produire un récit avec un héros noir, c'était forcément lié à ça. Et d'ailleurs, Stan Lee a un peu changé de discours à la fin de sa vie, où il disait que malgré tout, les héros qu'il a dépeints à travers cette fiction étaient quand même inspirés des gens qui se sont battus pour les droits civiques aux États-Unis. Donc ce contexte-là, c'est un contexte qui a aussi eu une influence sur le cinéma, avec Sidney Poitier qui a eu son premier Oscar. Donc c'était quand même un environnement où dans les cercles progressistes américains, on voulait quand même faire... on avait un désir de montrer davantage acteurs noirs dans des positions de héros, de héroïnes, enfin de héros surtout à l'époque. Héroïne, je suis un petit peu en avance là, je me suis un peu emballée là. Mais d'héroïnes, en tout cas à l'époque... des positions un petit peu dignes, différentes de celles des postures dans lesquelles on les montrait auparavant. Il faut quand même rappeler que Marvel auparavant était une entreprise qui s'appelait Timely, qui avait aussi participé à cette vision stéréotypée des personnages noirs, avec des peaux très très brunes, avec des grosses lèvres rouges, des yeux en boule de loto, etc. Donc c'est aussi Timely ne se distinguait pas des autres maisons de bande dessinée, mais il y a quand même ce chemin là qui a été fait parce qu'il y avait un mouvement social qui allait au-delà en fait de ces deux créateurs. Donc voilà, du coup j'ai oublié la question, mais c'était pour savoir si vous connaissiez. Oui, voilà, je m'avais entendu parler. Répondu. J'étais pas lectrice, ouais. Ce que je voulais juste ajouter pour le mouvement social, c'est que il y avait également un désir de retour aux sources des Afro-Américains aux cultures africaines. On le remarque dans le jazz également, avec le mouvement hard bop par exemple. Et donc ce retour aux sources a influencé également la bande dessinée comme le cinéma, etc. Et bon, on va continuer de parler de Black Panther, mais pour l'instant on va écouter la bande originale du film composée par Kendrick Lamar, un extrait qui s'appelle King's Dead avec J-Rock, Future et James Blake. Miss me with that bullshit. You ain't really wild, you a tourist. I be blacking out with the purist. I made 100,000, then I freaked it. I made 500,000, then I freaked it. I bought an 87 for the weekend. This ain't what you want, this ain't what you want. This ain't what you want, this ain't what you want. And it's like that little bitch, MVP, I don't get no sleep, no, I don't like that little bitch. Bust that open, I want that ocean, yeah, that bite back, little bitch. Do it, bite back, little bitch, need two life jackets, little bitch. I ain't gon' hold ya, I ain't gon' pressure, never control ya. I ain't gon' front ya, keep it 100, I don't know ya. Boss like top dog, boss my life up, crossing over. Stutter steppin', got a hall of fame and all my poster. I been ready, my whip been ready, my bitch been ready, my click been ready, my shit's been ready, my checks been ready, my shots on full, that's Armageddon. I got pull, I hope y'all ready, my tank on full, you know unleaded. I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it. My name gon' hold up, my team gon' hold up, my name gon' hold up, my team gon' hold up, my shots gon' fire, my team gon' roll up, my Nazi twice, my queen gon' roll up. I hope y'all ready, you know I'm ready, I rain all day, you know confetti. I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it. Miss me with that bullshit. You're not a gang member, you're a tourist. I be blacking out, I be blacking out. Bought a 83 Cutlass for the weekend. I got 100,000 and I freaked it. I made 500,000 and I freaked it. I put a Rolls Royce on my wrist, oh yeah. Fuck his baby mama trying to sneak this. I took her to my penthouse and I freaked it. I haven't made my mind up, should I keep it? Should I keep it? I got big dog status, it ain't no secret. Lady daddy da, slime on me now. Pass me some syrup for me in the car. Lady daddy da, motherfucker law. Chitty chitty bang, murder everything. Bitch, I'm on the roll and I put that on the thing. Yeah, miss me with that bullshit. You ain't really wild, you a tourist. Blacking out with the purist. I made 100,000, then I freaked it. I made 500,000, then I freaked it. I bought an 87 for the weekend. This ain't what you want, this ain't what you want. This ain't what you want, this ain't what you want. What you want. Yeah, God. T off the date, no B off the B off the heat off your plate. Don't be off, I be off your head. We're late on C4, I'm way off the edge. Fuck integrity, fuck your pedigree, fuck your feeling, fuck your culture, fuck your world, fuck your family, fuck your tribe, fuck your land, fuck your children, fuck your wives. Who am I? Not your father, not your brother, not your reason, not your future, not your comfort, not your reverence, not your glory, not your heaven, not your angel, not your spirit, not your message, not your freedom, not your people, not your neighbor, not your baby, not your equal, not the title y'all want me under. I hail King Killmonger. Red light, green light, red light, green light, red light, green light, day light, we like fast cars. C'était Kendrick Lamar, J-Rock, Future et James Blake pour King's Dead, la BO de Black Panther dans Blockbuster sur France Inter. Good morning. Bonjour. How can I help you? En quoi puis-je vous être utile? I'm just checking out these artifacts. Oh, je regardais ces objets anciens. They're beautiful. Ils sont magnifiques. Where is this one from? Celui-là, il vient d'où? The Bobo Ashanti tribe. De la tribu Ashanti Fo. Present day Ghana. L'actuel Ghana. 19th century. 19e siècle. And what about this one? Et je peux savoir d'où il vient celui-là? One's from the Edo people of Benin. Celui-là vient d'une tribu Edo du Bénin. 16th century. 16e siècle. Now. Et maintenant? Tell me about this one. Parlez-moi de celui-là. Also from Benin, oh, c'est aussi du Bénin, 17e siècle. Tribe, le peuple Fula, il me semble. Nah. I beg your pardon. Je vous demande pardon. It was taken by British soldiers in Benin. Des soldats anglais l'ont bien sorti du Bénin. But it's from Wakanda. Mais ça vient du Wakanda. It's made out of vibranium. Et c'est du vibranium. Don't trip. I'm gonna take it off your hands for you. C'est pas la peine de vous exciter, je vais vous le prendre. These items aren't for sale. Ces objets ne sont pas à vendre. How do you think your ancestors got these? À votre avis, comment vos ancêtres les ont eus? You think they paid a fair price? Vous croyez qu'ils les ont payés? Or did they take it? Ou vous croyez qu'ils les ont pris, comme ils ont piqué tout le reste? C'était un extrait du film Black Panther de Ryan Coogler, voilà, et vous avez entendu Killmonger joué en VO, enfin même interprété par Michael B. Jordan et doublé par Duke Coma, et vous avez entendu également Claire Guyot qui double la directrice du musée, Claire Guyot qui double aussi Buffy Summers dans Buffy contre les vampires. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Alors, et qui a fait la petite sirène aussi. Et qui a fait la petite sirène. Voilà, ouais, fait plein de choses. Mais moi j'aime bien les comédiens de doublage parce qu'ils ont une carrière de folie en fait. C'est clair. Et alors, on parlait donc de la création de Black Panther par Stan Lee et Jack Kirby, mais il y a énormément d'autres scénaristes qui ont étoffé la mythologie du personnage, et notamment un qui a créé quasiment le Black Panther qui a été transposé sur grand écran, c'est Christopher Priest. Oui. Arnaud Tomassini. Oui, c'est Christopher Priest, dont c'est pas le vrai nom, d'ailleurs, parce qu'il est un homonyme avec un auteur britannique de science-fiction. Et en fait, c'était quelqu'un qui a toujours été très impliqué dans la représentation et dans la cause noire, dans tous les comics qu'il a fait. Et c'est en 1998, à l'époque où Marvel était donc très mal financièrement parlant, que le label Marvel Knights est créé par Joe Quesada. Et en fait, là, il va faire une série où, littéralement, en fait, plutôt que de toujours reprendre ce côté super-héros du Black Panther, il va prendre le côté vraiment, c'est le roi d'une nation qui n'est pas, qui n'a rien à voir avec les États-Unis. Et qui n'est pas forcément ami voilà, avec les États-Unis. Ça, voilà, qui en a rien à faire, en fait, des ordres et de la façon de fonctionner de la société occidentale, en fait. Et on découvre vraiment un personnage qui est intransigeant, où il y a même un choc réellement culturel, parce qu'il a une façon d'opérer, qui n'est techniquement, on va dire, pas forcément compatible avec la façon dont les États-Unis veulent faire, avec l'interventionnisme américain. Et c'est aussi au cours de ce run où il va vraiment développer énormément de personnages qui sont importants, par exemple Evette Ross qui apparaît dans le film, mais aussi la garde rapprochée, les Dora Milaje, c'est lui qui va les introduire. Oui. Les gardes aussi... du corps, ces femmes chauves expertes au maniement de la lance. C'est ça, voilà, qui sont ouais, des gardes du corps et donc expertes en combat. C'est lui qui va aussi intégrer le personnage de White Tiger qui est aussi vaguement repris pour l'univers Marvel Studios. Mais il y a vraiment des bases, il y a un discours. Et ce qui est aussi très fort avec Christopher Priest, c'est une narration qui est pas du tout linéaire, en fait. Il s'amuse aussi à balader son lecteur. Donc c'est une lecture qui est à la fois exigeante et en même temps qui dénote d'une richesse que l'on retrouve peu, mais qui a aussi quand même permis à d'autres scénaristes après de faire encore mieux. En tout cas, à poursuivre, en fait, le travail qui avait été élaboré. Donc ça a duré 62 numéros. Et c'est des numéros exceptionnels. C'est très avec des audaces, notamment avec l'introduction de Mephisto qui vient, qui parle au personnage d'Everett Ross, dans une écriture qui est pas sans rappeler la manière dont Tarantino écrit ses scénarios. Il y a des flashbacks, ouais, c'est ça. Il y a des trucs complètement délirants. Et notamment, le costume de Black Panther a changé. pour à cette époque-là. On passe du noir comme ça avec des lignes pures à quelque chose d'un peu bleu. C'était dessiné par Marc Texera. Et donc là, j'aimerais avoir l'avis du dessinateur Gail sur ce Black Panther-là. Alors, je vais peut-être choquer des gens, mais moi, je suis pas fan du tout du graphisme de Marc Texera. Et donc, ça a été un peu compliqué. Mais il est vivant, Oui, oui. C'était compliqué pour moi à lire, en fait, visuellement, parce que bon, c'est mon intérêt principal, moi, c'est le visuel. Et oui, il y a des améliorations en fait sur le costume. On a une partie, on va dire visuelle, du fonctionnement du vibranium sur son costume, qui est apparent, qui en fait lui sur son costume, et qui lui permet, par exemple, de grimper au mur, d'adhérer à différentes surfaces, de charger le fameux chargement du costume qui relâche l'énergie, la vague d'énergie. Ça vient de cette période-là, justement, avec Priest et Texera. Et bon, pour moi, c'était pas beau visuellement, mais par contre, scénaristiquement, c'était intéressant parce qu'on avait affaire à des scénarios en termes de géopolitique qui étaient vachement intéressants, en fait. En fait, sans dévoiler trop de choses aux éditeurs, c'est une époque où on découvre que Black Panther et tout son passé aux États-Unis, notamment ses études et tout ça, ont été voulus par lui pour apprendre à connaître un ennemi potentiel, c'est-à-dire une puissance impérialiste dont il faut se méfier. Et en fait, c'est une justification qui arrive des années après de pourquoi finalement ce monarque africain a passé autant de temps aux États-Unis. Eh bien, parce que il veut connaître ceux qui vont de toute façon tenter de s'emparer de ses ressources, du vibranium et tout ça. Donc, il vaut mieux connaître l'ennemi de l'intérieur. Et c'est aussi dans cette période-là qu'on comprend pourquoi il a rejoint les Vengeurs aussi. C'était pour les espionner de l'intérieur, en fait. Ça pour connaître leurs capacités, voir un peu mettre des contingences au cas où il se retournerait contre lui ou le Wakanda. Donc, voilà, mieux les étudier d'intérieur pour pouvoir gérer la menace. Et alors là, en fait, la filiation avec son personnage assez équivalent chez DC Comics, qui est Batman, hein, même en termes de costume, il y a des similitudes, elle est flagrante parce que c'est exactement ce qui se passe dans la Tour de Babel, où Batman a échafaudé des plans comme ça pour pouvoir éliminer la Justice League de l'intérieur si jamais il se retournait contre l'humanité. Exactement. Et en fait, Black Panther est... plus que n'importe quel autre personnage, c'est le Batman, avec en plus un royaume derrière lui, du monde Marvel. Mais en même temps, c'est logique. Il doit, protéger son peuple. Et donc, toute menace interne ou extérieure doit être, gérée, analysée et annihilée au cas où. Donc, il faut que les contingences soient mises en place. Et alors ensuite, il y a une forme de reboot qui ne dit pas son nom, de Reginald Hudlin, où on relance le personnage avec vraiment une relecture de ses origines mis au goût du jour. En 2005, oui, le but c'est de proposer... De toute façon, les éditeurs de comics veulent toujours remettre à jour leurs personnages pour les proposer à un lectorat qui est plus jeune, pour les faire découvrir aussi à des gens novices. Et c'est Reginald Hudlin, oui, qui aura une lecture plus modernisée, mais toujours aussi avec des bases politiques dans ses intrigues, avec toujours cette figure surtout de Ulysses Klaue qu'on reverra à chaque fois, le premier arc notamment qui est dessiné par John Romita Jr. qui l'oppose frontalement à Klaue, qui est vraiment la figure du colon blanc qui vole au Wakanda pour piller le pays. Mais ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire que moi je me souviens très bien de cet arc scénaristique, il y a même carrément Captain America qui est envoyé là-bas en tant que colon et qui se prend une rouste par un Black Panther précédent et il est renvoyé chez lui. Et donc, d'un point de vue politique, c'est pas rien de faire paraître un comics Marvel dans lequel le héros Captain America se fait botter les fesses et renvoyé chez lui. Donc il y avait vraiment une déclaration d'intention qui était assez forte déjà à ce moment-là. Oui, mais puis de toute façon, là-dessus, et je pense que c'est peut-être ce qui caractérise aussi Black Panther en tant que personnage d'une maison d'édition, c'est qu'il a quand même... Il n'y a pas énormément de runs qui existent, il n'y a pas tellement d'auteurs qui se sont succédés, mais par contre, chacun des auteurs a été hyper important et surtout a eu un vrai message derrière. Ils n'étaient pas juste là pour raconter. C'est le divertissement versus message. Ça a jamais, il n'y a jamais eu ce débat là-dessus avec les comics Black Panther. Il y a un message toujours ancré dedans. Et On arrive ensuite à l'avènement de Marvel Studios qui prédomine, qui devient hégémonique au niveau du divertissement. On connaît les Avengers, on connaît Captain America, Iron Man. Et arrive le film Black Panther, qui apparaît d'abord dans Captain America Civil War. Et donc avec cet acteur, Chadwick Boseman, et le choix de confier ce premier film à Ryan Coogler. Il y a aussi un avant et un après Black Panther pour Marvel Studios, Rokhaya Diallo. Évidemment, c'est-à-dire que le contexte, quand le film intervient sur les grands écrans américains, c'est une décennie aux États-Unis qui a vraiment été inaugurée par une espèce de renouveau des mouvements noirs, avec notamment la mort de plusieurs jeunes hommes américains, mais notamment de Trayvon Martin, qui a été tué par un homme blanc, enfin voilà, qui alors qu'il avait 17 ans, et c'est de là qu'est né le mouvement Black Lives Matter quand il a été justement acquitté, et Ryan Coogler s'est fait connaître à Sundance après avoir fait ce film qui s'appelle Football Station, qui revient sur la mort d'un homme qui s'appelle Oscar Grant. Donc lui confier à Ryan Coogler ce récit, c'est aussi confier à un réalisateur dont on sait qu'il a un regard extrêmement engagé sur les rapports raciaux aux États-Unis, sur les personnes noires, mais savoir aussi qu'avant les nouveaux scénarios de Black Panther avaient été confiés à des personnes qui étaient aussi connues comme étant engagées. Je pense à Ta-Nehisi Coates, qui lui s'est fait connaître aux États-Unis avec un ouvrage qui s'appelait Between the World and Me, qui étrangement en français a été baptisé Une colère noire. Allez comprendre. Et, ah, oui. Et voilà. Allez. Et aussi Roxane Gay. On est souvent en colère. Hein. Oui, c'est ça, bah forcément. Et puis c'est une colère noire. Oui. Voilà. Et aussi Roxane Gay, qui elle est aussi une afro-américaine, qui est connue comme étant une féministe, qui a écrit Bad Feminist, qui explique aussi la question du rôle des femmes qu'on n'a pas encore évoqué, mais dans ce film-là. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que vous disiez tout à l'heure sur les États-Unis et les rapports coloniaux, post-coloniaux, en tout cas entre les États-Unis et d'autres puissances, c'est que dans le film, dans Black Panther, finalement, la puissance américaine, en fait, elle est incarnée par une personne qui est noire et qui est afro-américaine. Parce que quand on regarde en réalité le personnage de Killmonger, qui a été très très salué, mais moi sur lequel j'ai quand même pas mal de réserves, il est un ancien militaire qui revient déstabiliser en fait un pays africain. Parce que les États-Unis lui ont appris. Il incarne d'une certaine manière la puissance américaine en déstabilisant un régime, en infiltrant en fait des pratiques ancestrales. Et c'est aussi, moi en tout cas, ce qui m'apparaît quand même s'il a été très considéré comme espèce de héros de substitution, moi ce qui m'interpelle quand même, c'est que dans le film, c'est le seul qui frappe ou tue des femmes noires. Il a tué sa petite amie, on sait pas pourquoi. Il a tué vraiment de manière complètement gratuite. Il a tabassé une espèce de tontine, voilà, juste pour la brutaliser, alors qu'il n'avait pas besoin forcément d'y aller. Donc il a aussi tué une des Dora Milaje. Voilà, exactement. Donc c'est quand même quelqu'un qui s'en prend physiquement à des femmes noires, alors même que dans cette fiction, elles ont un rôle particulièrement valeureux, particulièrement digne par rapport à ce qu'on peut voir habituellement où les femmes noires sont en retrait, des fictions habituelles. I came to support you. Je suis venue te soutenir. And to honor your father. Et rendre hommage à ton père, mais je ne resterai pas. I've seen too many in need just to turn a blind eye. J'ai vu trop de souffrance pour me contenter de fermer les yeux. I can't be happy here knowing that je ne pourrais jamais être heureuse ici en sachant qu'ailleurs dans le monde, certains manquent de tout. What would you have Wakanda do about? Tu voudrais que le Wakanda fasse quoi pour ces gens? Share what we have. Partageons ce que nous avons. We could provide aid. Nous pourrions fournir une aide, un accès à la technologie et un refuge à ceux qui en ont besoin. D'autres pays le font. On pourrait faire mieux. Not like these other countries, Nakia. On est loin d'être comme ces autres pays, Nakia. If the world found out what we truly si le monde venait à découvrir ce que l'on est, ce que l'on possède, we could lose our way of life. On pourrait perdre notre mode de vie. Wakanda is strong enough to help others and protect ourselves. Le Wakanda est assez fort pour aider les autres tout en protégeant également son peuple. Blockbuster sur France Inter. On vient d'entendre le personnage de Nakia, interprété par Lupita Nyong'o, et doublé en français par Philly Keta. Nakia, qui est donc une espionne du Wakanda, et qui milite pour que le Wakanda sorte de son isolationnisme, et prête main forte à tous les pays voisins et à toute la diaspora noire sur la planète, en fait, grâce à la technologie du Wakanda. Michel Bampelli, Rokhaya Diallo, parlait justement de l'écriture de ces personnages féminin. Est-ce que derrière le succès phénoménal de Black Panther, parce que c'est quand même un film qui a eu évidemment un succès public énorme, mais aussi un succès critique, ils ont reçu 3 Oscars, est-ce qu'on n'est pas passé aussi à côté de l'écriture des personnages féminins qui était absolument inédite dans des gros blockbusters comme, parce qu'il y a quand même énormément de personnages féminins forts dans Black Panther. Alors, les personnages féminins forts, d'abord, sont dans l'écurie Marvel. C'est C'est-à-dire que Kevin Feige avait, lui, pour ambition de mettre en valeur les minorités, mais pas seulement les minorités ethniques. Il a voulu mettre en avant, effectivement, les femmes. Et je pense que le rôle et l'écriture des femmes de Black Panther révèle une écriture qui correspond aux différents types de super-héroïnes qu'on trouve aujourd'hui dans les curieux Marvel. Je pense par exemple à Captain Marvel, oui, qui est aussi, elle a rencontré un succès au cinéma. Maintenant, et d'ailleurs, je sais qu'en interne, Kevin Feige a dû batailler pendant longtemps, oui, avec Ike Perlmutter, oui, l'ancien tête de pont des productions Marvel, oui, qui estimait que un film avec des femmes au premier plan ou des personnes minorités de couleur, ça ne marcherait pas. Oui. Et en fait, lui, pendant très longtemps, a tout fait pour qu'il n'y ait même pas de figurine de Black Widow ou d'autres personnages, oui, parce qu'il était opposé. Parce que lui, il a voulu s'adapter aux évolutions sociétales qui touchaient les États-Unis et le monde entier. Donc, il a été un petit peu avant-gardiste là-dessus. Maintenant, pour revenir au personnage féminin de Marvel, ils se sont inspirés aussi des différents courants intellectuels de l'époque. Et là, c'est l'afroféminisme. Et puis je pourrais parler aussi de la pensée panafricaine lorsqu'on parle donc d'un personnage qui veut aller soutenir les populations noires à travers le monde entier. Oui, il y a en fait une forme de... Vous m'arrêtez si je dis n'importe quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a la constitution aussi d'une forme de mythologie commune qui transcenderait les frontières, qui et qui réunirait comme ça une sorte d'identité noire où il dit voilà, en fait quelque part il y a quelque chose qui nous lie et ce qui nous lie c'est évidemment peut-être les méfaits de la colonisation, l'esclavage et tout ça, et qui transcende en fait nos différences pour avoir une sorte d'avenir commun. Ouais, et c'est ce qu'on appelle la diaspora africaine, tout simplement. Et cette forme d'identité partagée par l'ensemble des populations noires dans le monde qui ont connu, qui se reconnaissent dans l'esclavage, dans la colonisation, dans les lois ségrégationnistes et les discriminations. Et cette identité noire est partagée par toutes les populations, finalement, dans le monde. Et cette volonté, je trouve qu'on l'aperçoit un petit peu dans la manière, en tout cas, dans le Wakanda a été mise en scène, notamment dans le film, à travers tout simplement les choix de costumes et les choix de pratiques traditionnelles qui sont réalisées par chaque groupe. C'est-à-dire que finalement, on peut retrouver des influences en termes de costumes jusqu'en Afrique du Nord, vraiment, que ce soit dans la constitution des costumes ou dans les tissus qui sont appliqués, parce que le Wakanda, d'une certaine manière, est la réalisation, la production du fantasme, justement, de ce panafricanisme, où en fait, différents groupes ethniques se retrouveraient dans une même nation. Ce qui est aussi une question qui a été beaucoup... bousculé par le fait que l'Afrique a été colonisée et a été construite après finalement d'une manière politique qui ne correspond pas nécessairement à des réalités ethniques, mais voilà, je trouve que le Wakanda en tout cas tel qu'il est construit dans le film répond aussi à cette volonté des personnes qui ont pensé le panafricanisme depuis le 19e siècle de réunir des personnes africaines ou d'ascendance africaine en dépit finalement de leur culture ou de leurs influences culturelles. Et j'ai entendu beaucoup de voix s'élever notamment sur le fait que c'est un pays imaginaire et que quelque part ce ralliement qui s'est fait autour du phénomène de Black Panther soit basé sur un pays fictif inventé il y a des années de ça par un scénariste juif new-yorkais et que c'était à la fois pour les voix qui critiquaient le film à l'époque une sorte d'aveu d'échec que de n'avoir à se référer qu'une chimère. Et quel est votre avis là-dessus ? Alors moi je pense que c'est pas un hasard que ce soit né d'une personne juive aux États-Unis. Il faut rappeler quand même que les juifs et les noirs aux États-Unis ont toujours combattu, en tout cas ont souvent combattu de pair. En 1909, quand la NAACP a été créée, donc l'association historique de promotion des droits des noirs, elle a été créée avec l'aide d'avocats juifs parce que les juifs ont été aussi victimes de stigmates aux États-Unis. Et c'est vrai que tout au long du XXe siècle, il y a eu énormément de collaboration entre des personnes noires et des personnes juives. Par exemple, le procès des Loving, qui est le couple qui voulait se marier, en fait, un couple de noirs et de blancs, d'une femme noire et d'un homme blanc qui voulait se marier, a été mené avec le concours d'avocats qui étaient juifs. Il y a des personnes juives qui ont perdu la vie en se battant pour des noirs, notamment dans le sud des États-Unis. Donc c'est quelque chose, c'est pas un hasard, c'est pas, je veux dire, Stanley, c'est pas juste un homme blanc, c'est un homme aussi qui vient d'une famille qui est migrante, ashkénaze, et qui est aussi minoritaire aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui est perceptible d'ailleurs dans ses autres créations. Après, pour en revenir à cette question-là, pour moi, c'est plus... Moi, je sais que voilà, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la perception des Africains. Et moi, ce qui m'a interpellé quand même dans la promotion du film Black Panther, c'est qu'il y a eu des avant-premières partout, sauf en Afrique. En tout cas, avec le casting, avec le cast de du film, c'est-à-dire qu'on les a vus à Londres, on les a vus jusqu'à Séoul, mais finalement sur le territoire où qui est censé être représenté dans le film, on n'a pas fait l'effort de faire une avant-première à Johannesburg ou à Accra ou à Lagos. Et là, ça aurait eu du sens. Je trouve que finalement, que la boucle se boucle de cette manière-là, ça aurait été intéressant. Et après, c'est vrai que moi, j'ai entendu beaucoup d'Africains assez amusés par les accents. Parce qu'en fait, ils ont essayé, ils se sont alignés sur l'idée de reproduire des accents sud-africains. Mais en réalité, les accents, c'était un peu n'importe quoi. Et c'est vrai que pour des personnes africaines qui sont anglophones, il y avait beaucoup d'amusement dans le fait de voir Chadwick Boseman, qui lui est américain, a inventé un accent qu'il n'avait pas. C'est pas la première fois qu'il l'avait fait. On l'a vu le faire dans un autre film où il jouait le rôle d'un sud-africain. Mais c'était un petit peu artificiel. C'est un petit peu comme si on demandait, je sais pas, à un acteur. Enfin, ça arrive d'ailleurs qu'on le fasse à des acteurs français. Mais moi, si vous me demandez de faire un accent sénégalais, ce sera grotesque. Oui, lui, il a fait ce travail-là. Mais voilà, il y a encore cette question-là qui se pose, quoi. Finalement. Et pourquoi ne pas avoir pris des acteurs africains Par exemple. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. Alors, c'est vrai que le film Black Panther a remporté un succès considérable, 3 Oscars, je le répète, mais il a aussi fait polémique à bien des égards. Et par exemple, il y a Eric Cartman de la série culte South Park. Eh bien, Black Panther, lui, il aime pas. Il y a des sales rumeurs qui circulent à mon sujet, disant que je trouve que Black Panther est un film tout pourri. Ces rumeurs disent que je pense que le scénario merdique et que l'idée des rhinos, c'est complètement con. J'ai adoré Black Panther. Je suis pas un enfoiré de raciste. En fait, j'ai jamais vu Black Panther. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, brother? N'importe quoi, mec. T'as jamais vu Black Panther? Non, je l'ai jamais vu. Moi, je croyais que tous les Noirs l'avaient vu. Et mon autre passage préféré, c'est quand Black Panther rêve de son père qui est mort. Le père, l'ancien chef de la tribu, disant au nouveau roi d'être un bon chef. J'avais jamais vu ça dans un film, sauf dans Le Roi Lion, bien sûr. Mais Black Panther est tellement original. Black Panther, c'est trop bien comme film. Non, c'est une dôle. Un mauvais moment à penser. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'effectivement, quand on est noir, on a une injonction à aimer Black Panther, ou est-ce qu'on peut aussi avoir des choses à redire? Jean-Pierre Casadi disait qu'il existe autant d'identités noires qu'il y a de noirs. Donc non, effectivement, on n'est pas obligé d'aimer le film de Black Panther. C'est aussi dans un genre bien spécifique. C'est un Marvel, c'est un film de super-héros, c'est un blockbuster, un blackbuster. Et donc on n'est pas forcément habitué à ce type de thématique. Donc on n'est pas obligé d'aimer. Autre chose que je voulais ajouter par rapport à l'univers imaginaire, faut pas oublier que les univers imaginaires dans les Marvel, il n'y a que ça. On se plaint pas que Asgard de Thor n'existe pas, donc ils ont aussi le droit d'inventer un pays fictif africain. Pour moi, ils rentrent dans les codes des comics, dans les codes de super-héros et des films fantastiques. C'est très intéressant, c'est d'ailleurs là-dessus que j'aimerais vous faire réagir, c'est est-ce que Black Panther, de par le manque de films qui ont mis en avant des noirs, des femmes, comme ça au premier plan, comme ça a été fait, est-ce qu'il, sur lui, n'a pas reposé trop d'attentes, trop de est-ce qu'on demande pas à ce film de vouloir être tout alors qu'en fait ce n'est juste que le début d'une étape? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de ça quand on dit oui, les réflexions qui sont vraiment pertinentes sur le fait qu'il y avait, c'était pas des acteurs africains, etc. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'on est tout simplement en train de voir les balbutiements de quelque chose de différent qui se crée et que ça prend du temps? Moi, je disais que c'était l'exception culturelle américaine. C'est surtout l'avènement d'une nouvelle élite noire mondialisée, une nouvelle génération d'acteurs qui incarne des personnages historiques et iconiques de la communauté noire. Et il faut laisser le temps à cette élite, à cette communauté, de s'installer dans le monde du cinéma et puis d'influencer également les acteurs d'autres pays. Puis on peut pas demander à un film d'être tout, d'être à la fois un outil sociologique, d'être un espace de représentation complet. Il faut quand même rappeler qu'il s'inscrit quand même dans une série de films, donc c'est aussi l'étape d'une histoire qui est plus qui est assez longue, hein, qui s'est allée quand même sur quasiment une décennie. Donc c'est aussi ça reste un film américain d'une major américaine, c'est ce qui est important et c'est normal. Effectivement, quand je rappelle quand même que effectivement une grande partie du casting est soit américain, soit britannique, alors c'est un mélange, que aussi la bande-annonce, c'est vrai qu'on a des gens aussi, la bande originale. Qui se sont dit voilà, Kendrick Lamar n'est pas américain, mais en même temps j'ai l'impression que c'est aussi une étape vers Black is King, qui est la dernière création de Beyoncé, où là, effectivement, elle s'est appuyée sur des créateurs musicaux africains. C'est comme si, effectivement, on peut pas demander à Black Panther de tout incarner, parce que ça reste quand même un divertissement qui est produit par des Américains, en premier lieu pour un public américain, même s'il a dépassé largement ce qu'on imaginait. Mais voilà, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant que les femmes aient un tel rôle, et je pense qu'en termes de représentation, on n'a pas évoqué, mais voir autant de personnes noires à la carnation foncée, oui, notamment chez les femmes qui portent leurs cheveux au naturel et qui sont aussi des objets de désir, je pense notamment au personnage de Nakia, c'est extrêmement rare, c'est rarissime dans le cinéma. Généralement, les femmes noires qui sont présentées sont des Ramonda, personnages la mère absolument, de... qui est magnifique, qui est splendide, Bassette, qui est une figure d'autorité absolument respectable, alors qu'habituellement, les femmes noires dans les films sont des femmes à la peau claire. On peut penser à Libéry, voilà, par exemple dans les X-Men, qui ont les cheveux raidis, qui sont des personnages aussi assez secondaires. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, et ça reste une étape dans un contexte cinématographique où Black Panther ne peut pas tout régler. Et c'est d'ailleurs assez amusant de voir que à la mort de Chadwick Boseman, énormément de médias ont titré Black Panther le premier film de super-héros noir. Voilà, Chadwick Boseman est. Alors qu'en fait, il y a eu d'autres super-héros avant. Blade. Steel, alors évidemment, même Spawn, même s'il était défiguré, mais c'était quand même... Et puis Storm, c'est-à-dire Ali Berry, dans les X-Men, mais simplement Black Panther a raflé en fait l'image du premier film de super-héros noir. Les films d'avant n'avaient pas non plus la même envergure, et le fait de s'inscrire dans la grande première saga de Marvel Studios faisait qu'il n'y avait pas le même impact, la même diffusion, le même nombre de salles. Blade, c'était pas tout public non plus. Bon, Steel, c'était pas... d'accord, un film. On peut l'oublier. Donc Black Panther, même s'il a eu des Oscars, parce que c'est marrant aussi, parce que effectivement ce que vous disiez, c'est qu'on lui a demandé d'être aussi beaucoup de choses, et en même temps ce que j'entendais aussi, c'était du genre oui, mais pour la cause noire, pour les messages, Black Panther au final c'est chiqué, il y a des films comme Fruitvale Station qui font mieux. Il fait bah oui, mais en même temps c'est un film de super-héros, c'est un blockbuster, et il y a des messages qu'il faut apporter au plus grand nombre, parce que Fruitvale Station c'est très bien, mais ça va pas être diffusé dans toutes les salles du monde entier. Black Panther si. Et on demande pas à tous les autres films Marvel d'être aussi des excellents films. Donc le problème, c'est que c'est encore dans un paysage où ça reste des exceptions. Et avant que ça devienne la norme, on va de façon un peu curieuse être plus exigeant avec ces exceptions, alors qu'on demande pas aux 50 films qui sortent dans le même mois d'être tous des chefs-d'œuvre. D'autant que il y a quelque chose d'absolument phénoménal dans la l'aura qui entoure ce personnage, c'est que donc il a eu un film qui lui a été consacré, et il est apparu dans un film précédent, Civil War, quelques minutes. Mais ce qui est absolument phénoménal, c'est qu'ensuite dans les films qui ont suivi, Avengers Infinity, je l'ai vu en salle le jour de la sortie, au moment où tout d'un coup il y a un plan, on passe des États-Unis au Wakanda, c'était la folie dans la salle. Ouais, c'est-à-dire que le fait de voir Chadwick Boseman arriver avec Okoye, Dana Gurira, et c'est pour un personnage qu'on a vu dans un seul film. Et il y a vraiment quelque chose, et ça a été la même chose dans Endgame. Voilà, quand Black Panther apparaît à l'écran, il y a quelque chose dans la salle qui fait, et que qu'on soit noir ou blanc, parce que moi j'y suis allé avec des camarades de mon fils, leur personnage de comics préféré, c'est Black Panther. C'est-à-dire que quand ils ont envie d'avoir une figurine, ils veulent jouer avec Black Panther. Donc il y a quelque chose qui dépasse la couleur de peau. C'est la représentation de l'Afrique surtout. Cette Afrique qui est restaurée de tout le joug colonial, néo-colonial, et je crois que c'est la première fois que cette Afrique est représentée au cinéma. Et c'est ce qui marque aussi profondément le public. Et c'est un roi quand même. Enfin, c'est un roi. C'est un boss en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas sous l'autorité de quiconque. C'est un roi. Effectivement, donc on l'a entendu au début, il s'exprime devant les Nations Unies. À la fin, mais il fait ce choix-là, mais pas comme d'autres sont des ressortissants de pays. Lui, il est ressortissant du pays dont il est le roi, et c'est une figure d'autorité. Je pense que c'est pour ça que les enfants se reconnaissent en lui, parce que il y a personne au-dessus de lui en réalité. Il choisit de rejoindre les Avengers, mais il le fait en toute volonté personnelle, et je pense que c'est ça qui fait que les jeunes s'identifient à lui. C'est ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'à la fois pour les personnes noires qui n'ont jamais vu autant de complexité, parce que c'est ça, généralement dans les films grand public où des personnages noirs sont là, il y a un personnage noir qui est monodimensionnel. Là, on a une pluralité, on a des méchants, des gentils, des jeunes, des vieux, etc. Et puis en même temps, tout le monde s'identifie à lui parce que il incarne quelque chose qui est une forme de sagesse, une forme d'autorité qui finalement n'est pas si commune chez les super-héros. Il y a quand même beaucoup de personnages qui sont tiraillés, qui parfois sont à deux doigts de basculer dans des valeurs morales qui ne sont pas forcément celles que doivent être portées par des super-héros. super-héros. Et lui, finalement, il a très peu failli. Il a un peu failli quand même, parce qu'il peut pas être complètement parfait. Mais c'est quand même quelqu'un qui incarne une espèce de perfection dont je comprends qu'elle puisse attirer les jeunes gens. Et d'ailleurs, ça me permet de parler de Chadwick Boseman, et qui, dans une composition de personnages tout en nuances, et on peut même aller au-delà de ce qu'il a fait avec Black Panther, a composé une nouvelle manière d'incarner une forme de masculinité positive cette fois-ci. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très calme. Et d'ailleurs, beaucoup de ses collègues, des partenaires de jeu, quand ils lui ont rendu hommage après l'annonce de son décès, ont dit il était toujours extrêmement calme, à l'écoute. Et c'est quelque chose qu'on ressent énormément dans sa manière d'écrire le personnage. C'est-à-dire que il laisse exister ses partenaires. J'en veux pour preuve, vous prenez Robert Downey Jr., on sent que les scénaristes vont lui donner les meilleures vannes, et ça va être Robert Downey. Il va très bien le faire, mais ça va être son numéro. Il écrase les autres. Ouais, il va écraser un petit peu ses partenaires. Pour Chadwick Boseman, il y a toujours eu ce... Quand il joue avec Michael B. Jordan, quand il joue avec Angela Bassett, il y a cette acceptation que peu d'acteurs ont de se dire « Ok, je vais écouter ce que tu as à me dire et c'est toi qui vas exister et je vais rebondir sur ce que tu m'apportes aussi. » Et est-ce qu'il n'y a pas... justement, on parle de l'afroféminisme. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle conception de l'homme moderne? Et c'est quelque chose... toute proportion gardée, que je trouve qu'on pourrait aussi mettre en relation avec Chris Evans dans sa manière de créer Captain America, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver qu'il est badass. On sort du côté moi je suis un vrai cador, on le sait, mais j'ai pas besoin de le prouver. C'est une nouvelle effectivement manière de concevoir la masculinité, et je suis assez d'accord avec vous pour dire que le succès de Black Panther est dû aussi à l'incarnation de Chadwick Boseman. C'était un acteur qui concentrait les succès critiques et les succès populaires, et je pense que les résultats du film sont dus aussi à cette incarnation. S'ils avaient pris l'acteur de Blade, Wesley Snipes, je pense que Black Panther n'aurait pas eu la même aura en tout cas. Okay. Auprès du public. C'est vrai que c'est pas la même énergie, et c'est ça aussi, c'est une forme d'humilité aussi qui apparaît peu chez c'est quelqu'un dont on sait qu'il est absolument brillant, qu'il est fort, etc., mais qui n'a pas besoin d'en faire plus que ce dont on sait qu'il est déjà en possession, à savoir des pouvoirs importants, une autorité, le fait d'être un monarque. Et ça, c'est vrai que c'est assez nouveau. Et même dans l'interaction amoureuse qui existe dans le film, finalement, elle ne tourne pas à son avantage. Et ça, c'est très rare. En fait, oui. C'est très rare que les femmes ne se pâment pas devant le super-héros, et de voir qu'une femme, finalement, déjà a pu, en dehors de son royaume, effectuer des missions d'espionnage, voilà, pour délivrer aussi d'autres personnes, notamment des femmes. Et puis après, faire le choix, finalement, de ne pas s'engager, alors même qu'elle avait... le conte de fées, c'est le contraire d'un conte de fées. Nous, les femmes, c'est ça. On est élevé pour rencontrer le prince charmant, l'épouser, puisque forcément c'est la seule personne qui puisse nous offrir un destin digne en tant que femme. C'est comme ça que les femmes sont élevées dans les pays occidentaux depuis très longtemps. Et là, c'est un personnage qui accepte d'être rejeté, en fait, et de ne pas être ce prince charmant qui, normalement, devrait attirer tous les regards et faire l'objet forcément d'un désir irrépressible. Et qui reste bouge bée devant Nakia dès qu'il la revoit. Absolument, qui n'arrive absolument plus à s'exprimer correctement. C'est-à-dire que ses mots se chevauchent. Voilà, ça accepte aussi d'être un peu ridicule face à la femme. Oui, ça sort le chari, au collier le chari. Et il accepte de jouer ça en riant. Oui, donc il y a vraiment cette dimension. Et c'est vrai qu'il y a cette opposition avec le personnage de Michael B. Jordan, qui lui représente presque l'ancien modèle du badass, du héros, de l'anti-héros. Il tue, voilà, il a des scarifications pour montrer toutes les victimes qu'il a. Et c'est vrai que je pense que c'est deux visions du héros qui s'affrontent dans le même film. Il y a un petit peu de ça, non, Arnaud? Très certainement, c'est le héros plus viriliste, on dirait, qui est plus dans la démonstration. Mais c'est pour ça aussi qu'il y en a beaucoup qui préfèraient aussi qui préfèrent Killmonger pas forcément idéologiquement aussi dans leur représentation. Mais après, j'ai envie de dire, c'est quand tu mets deux très bons acteurs l'un face à l'autre, c'est bien. C'est pas un vrai problème, quoi. On a le choix entre de la qualité et de l'autre qualité. Donc c'est très très dur de les départager aussi. You know where I'm from. Là d'où je viens. Quand les Noirs déclenchaient des révolutions, ils n'avaient jamais la puissance de feu ou les ressources pour combattre leur oppresseur. Où était le Wakanda? ends today. Tout ça, c'est fini aujourd'hui. We got spies embedded in every nation. On a des espions implantés dans tous les pays. I know how colonizers think. Ils sont déjà positionnés. Je connais les méthodes des colonisateurs. We're gonna send vibranium weapons out to our war dogs. On va expédier des armes au vibranium à nos chiens de guerre. They'll arm oppressed people all over the world. Ils vont armer les populations opprimées du monde entier. So they can finally rise up and kill those in power. Pour qu'elles puissent se soulever et tuer ces despotes. And their children. Leurs enfants. And anyone else. Et tous ceux qui résisteront. It's time they know the truth about. Ils vont bientôt comprendre qui on est. We're warriors. On est des guerriers. The world's gonna start. Le monde va renaître, mais cette fois, ce sera nous, les chefs. The sun. Le soleil se couchera jamais sur l'empire du Wakanda. Wakanda has survived for si so le Wakanda long, a survécu aussi longtemps, by fighting when only c'est qu'il ne s'est battu que lorsque c'était absolument nécessaire. Wakanda le Wakanda a survécu de cette manière dans le passé, c'est vrai. But the world is changing. Mais le monde change, général. Eldest, chers anciens, le monde n'a plus le même visage. The outside world is heavy. Il est en train de nous rattraper. Et bientôt, si nous ne voulons pas être conquis, nous devons être conquérants. I'd rather be the former. J'ai déjà fait mon choix. Gail, oui. Vous dessinez depuis des années, et d'ailleurs, je tiens à dire aux auditeurs, allez voir sur le net les dessins de Gail, parce qu'il a un coup de crayon, mais vraiment, vraiment, ça vaut le coup. Donc vous dessinez Black Panther depuis de nombreuses années, en plus de d'autres super-héros Marvel, parce que vous étiez lecteur... Exactement, lecteur, collectionneur, et puis et donc, qu'est-ce que ça a représenté pour vous de voir ce personnage incarné par Chadwick Boseman dans ce film de Ryan Coogler? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce qui vous a déplu en tant que dessinateur? Je trouve que j'ai été vachement impressionné par la partie visuelle, comment le Wakanda est proposé visuellement, les costumes qui sont hallucinants. Il y a toute une poésie graphique qui a été conçue par les équipes du film qui est hallucinante en fait. Visuellement, c'est on n'a jamais vu ça. C'est un mix entre la modernité, les traditions, savamment mixé, et c'est cohérent visuellement. Et franchement, ça m'a beaucoup plu. Et vous continuez de lire le comic book de Ta-Nehisi Coates? Alors, j'ai acheté tous les numéros de Ta-Nehisi Coates avec les dessins de Brian Stiefried, qui est énorme. Et, oui, mais je suis plus fan quand même de Reginald Hudlin, oui, et Romita. Et Romita. C'est pour moi, c'est plus classique en fait. C'est plus classique et beaucoup plus percutant en termes de lecture comics que la version par Ta-Nehisi Coates. Il faut préciser que pour Ta-Nehisi Coates, ce qui l'intéresse là dans ses arcs, c'est l'intérieur du Wakanda, c'est-à-dire faire exister le Wakanda mais autrement, oui. C'est-à-dire en termes de factions, il y a des Wakandais traditionnalistes qui ont mal vécu l'avènement de la technologie à tout va. On voit aussi le point de vue des Dora Milaje. Mm-hmm. Il y a notamment deux dissidentes qui s'intéressent plus particulièrement au sort des femmes au Wakanda, et on voit le poids de la couronne et en fait tous ces moments où T'Challa ne peut pas être un héros, mais oui, doit être un roi, oui, et on se rend compte qu'être un roi, ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec le fait d'être un héros. Donc c'est vraiment toute cette dimension politique qui est beaucoup plus travaillée dans l'arc de Ta-Nehisi Coates. C'est vrai qu'il y a quelque chose de moins immédiat que ce qu'avait fait Reginald. Oui, ça prend plus de temps pour rentrer dans le récit, puis voir un peu les différences entre les personnages, entre les différentes factions qu'il y a au Wakanda. Donc de mon point de vue, enfin c'est vraiment un goût personnel, j'ai été moins impacté par ce récit-là que le récit de Reginald Hudlin et de Romita Junior. Et alors, on a parlé de Chadwick Boseman tout à l'heure, qui est donc décédé il y a très peu de temps, qui a affronté donc durant tout le tournage de ses films un cancer du côlon. Ouais. La production ne le savait pas. Ça semble aberrant de se dire en 2020, personne. Mais personne, Kevin Feige ne le savait, ouais, pas. Spike Lee, qui l'a fait tourner dans Double Spies, ouais, ne le savait pas non plus. On a quand même un personnage, enfin un acteur. On pouvait penser que le fait de jouer Black Panther était pour lui l'avènement de sa carrière de héros, mais en fait non, le héros c'était lui, parce que réussir à faire ça et marquer autant le monde avec si peu de films, c'est comme Rocaille disait, en fait c'est l'humilité de la personne en fait. C'est quelqu'un d'humain et je pense qu'il a décidé de vivre sa vie au maximum et de donner au maximum de personnes pendant qu'il pouvait le donner. Voilà. Sans peut-être penser qu'il allait partir quand il est parti, mais il s'est dit, ouais, je vais vivre ma vie vraiment le plus possible. Mais il paraît qu'une semaine avant de disparaître, oui. il imaginait pouvoir jouer de Black Panther 2 et être en condition. C'était le plan. Il voulait reprendre l'entraînement en septembre, mais il y a une interview vidéo qui est terrible à revoir aujourd'hui. C'est quand c'est un journaliste qui demande où sera Chadwick Boseman dans 10 ans. Où il dit juste, j'aimerais juste être heureux, être avec ma famille. Enfin, et alors qu'il est déjà du coup en train de la combattre depuis ce que c'était après la sortie de Black Panther. Et c'est impossible de se mettre à sa place maintenant, de se dire, de réussir à faire ce genre de films qui sont exigeants. De cacher ça à quasiment tout le monde, de continuer à tourner tout en combattant ce genre de maladie. Enfin, ça dépasse à mon égard, enfin à mon image, ça dépasse l'entendement. Et en même temps, j'ai lu un article très intéressant sur le site de mademoiselle.com sur la question de la maladie, en fait. Est-ce que ça interroge aussi le statut qu'on donne à la maladie dans notre société? Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, une personne qui est malade, qui est souffrante, est obligée de la cacher pour être considérée comme apte à travailler. Donc, c'est une double souffrance qui lui a été infligée, à la fois la souffrance physique, à la fois la souffrance de voir son entourage s'inquiéter, et en plus le fait de devoir le cacher et jongler avec les différentes séances de chimiothérapie, d'affronter aussi, parce que ça, il a vécu, hein. Dernièrement, il était apparu très amaigri. Sur les réseaux sociaux, la violence de certaines photos qu'il a dû retirer, de commentaires qu'il a dû bloquer en fait afin de ne pas être confronté à ces moqueries en fait par rapport à sa silhouette qui est extrêmement amincie. Donc ça, c'est qu'est-ce que ça, moi pour moi ça pose la question de comment on arrive à vivre avec des personnes qui sont souffrantes tout en leur donnant une place qui leur évite en fait d'avoir à se cacher et tout en aménageant peut-être des conditions de travail qui permettent à tout le monde de trouver une place, parce que raisonnablement je pense que tous autour de la table on est d'accord pour dire qu'il était largement apte à remplir le rôle qui a fait rêver tant de monde, et pourtant il a dû cacher ça à tout le monde parce que le cancer aujourd'hui est une maladie peut-être encore honteuse, en tout cas c'est une maladie à laquelle on associe quelque chose qui ne permet pas de s'affirmer dans la sphère professionnelle. Donc ça, moi je trouve ça triste. De ce que le Hollywood Reporter, par contre, c'était son, enfin, il avait pas forcément le cacher, c'était vraiment son choix de le garder ça privé, puisque ce que tu disais, c'est que personne n'était au courant, il y avait juste son entraîneur, le réalisateur de 42, et son agent qui était Ryan au courant, Pardon. Et même eux à des différents niveaux, donc peut-être que c'était juste un choix de vouloir garder ça privé, plus que forcément de devoir le cacher. En tout cas, c'était pas une condition requise par Marvel Studios, il y avait pas d'assurance, qui ont parfois lieu où en fait on s'assure que tous les acteurs puissent finir les films. Là, pour le coup, il n'y avait pas besoin de remplir un formulaire médical pour pouvoir jouer dans l'écurie Feige. Mais on parle quand même d'un personnage qui est une des clés de voûte de l'univers Marvel Studios. Quelle est la position de Kevin Feige et de Disney là-dessus? Alors, sur l'avenir de la franchise? Aujourd'hui, ils veulent pas le remplacer. Hein. Alors aujourd'hui, la position de Feige et de Disney, c'est surtout de rendre hommage à la personne. Avant tout, c'est de trouver une façon de pouvoir commémorer son rôle, mais aussi l'acteur qu'il a été. Donc ils ont déjà mis des vidéos d'hommage, mais je pense qu'ils veulent travailler à quelque chose comme ce qu'ils ont pu faire avec Stan Lee, qui avait eu droit à un générique spécial. Et après, il y a techniquement sur le papier, il y a deux solutions. C'est soit on remplace l'acteur et je sais pas qui osera faire ça, et c'est pas très respectueux non plus par rapport à ce qu'il a pu faire. Et la solution la plus évidente, ce serait de placer Shuri dans ce rôle, puisque ça en plus ça a été fait dans les comics, donc il y aurait une fidélité au matériel d'origine qui serait aussi bien vue. Et quelque part, il est temps qu'on ait aussi une femme noire super héroïne sur grand écran. Certains comics, il a été remplacé par une femme. Ouais, c'est ça, par Shuri notamment. Aussi. D'accord. Et on parle aussi d'un enfant caché qui pourrait le remplacer. Ça fait partie des différentes hypothèses de Marvel. Ah oui, non, Tchal, elle a pas d'enfant caché. Qu'est-ce que c'est que ça? Il me balance ça en fin d'émission comme ça. Non, je suis en plein déni. Le fils de Storm et de Black Panther, un mutant. Oui, parce que, effectivement, on l'a pas dit durant cette émission, mais Storm des X-Men et Black Panther étaient mariés. Ouais. Effectivement, donc peut-être que c'est le meilleur moyen de développer la franchise mutante. Exactement, de faire une fusion Et alors, si jamais on devait conseiller aux auditeurs de commencer par un arc scénaristique en bande dessinée pour découvrir Black Panther autrement que sur grand écran. Alors moi, je proposerais justement aux auditeurs de lire Red Zone. C'est une petite storyline dans Avengers qui est dessinée par Olivier Coppel, où Black Panther apparaît, extrêmement bien dessiné. Scénario intéressant, et franchement ça peut être une bonne approche du personnage pour voir un peu comment il se comporte déjà en groupe, comment il se comporte, comment il voit le monde et comment il gère les menaces à sa façon. Très bien. Arnaud ? Moi, dans le cas, je voudrais conseiller Christopher Priest, mais je sais que c'est pas du tout la meilleure porte d'entrée. Donc, le plus simple à faire, c'est soit de prendre l'album avec le premier arc de Adeline et Romita Junior qui s'appelle Qui est la Panthère Noire, qui donne les bases et qui est très bien illustré, qui va droit au but. Sinon, il y a une anthologie, tout simplement, qui s'appelle Je suis Black Panther, et qui permet d'explorer à peu près toutes les facettes du personnage, donc de revoir vraiment les moments de sa création et de voir l'évolution au fur et à mesure de ce qu'il a été. En plus, il y a un arc complet de Jason Aaron qui se passait pendant Secret Invasion, où du coup, en tant que leader du Wakanda, Black Panther repousse une invasion des Skrulls, ouais, et c'est sympa. Mortel. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment un bouquin qui fait aussi le taf pour tout découvrir. Et alors, au niveau cinéma, chez Ryan Coogler, est-ce qu'il y aurait un autre film, ou Chadwick Boseman, est-ce qu'il y aurait un autre film à voir en priorité pour voir le talent de l'un et de l'autre? Moi, j'ai beaucoup aimé Fruitvale Station. Hein. C'est extrêmement triste, mais c'est très très bien raconté, très sensible, avec une perspective qui à l'époque était rare, hein, le point de vue de la personne qui va être victime de violences policières. Et ça se prête d'autant plus qu'on est en 2020 et qu'on a une conversation mondiale sur les questions des violences policières depuis la mort de George Floyd en mai dernier. Donc, je pense que c'est un joli film. En même temps, voilà, si on a envie de quelque chose un peu plus accessible à une plus grande palette d'âge. Je pense que Creed aussi, c'est aussi ça. Creed, évidemment, oui. Voilà, c'est bien aussi parce que ça s'inscrit aussi dans l'affiliation des Rocky. Donc, évidemment. Et puis voilà, c'est aussi Michael B. Jordan dans un autre rôle. Donc, c'est aussi bien. Moi, je pense qu'il y a vraiment deux entrées possibles. Et puis, voir Chadwick Boseman dans le rôle de Jackie Robinson ou de James Brown aussi. Get on Up. Très bien. D'autres palettes de l'acteur. Sinon, je pourrais aussi conseiller aux auditeurs de se renseigner sur la biographie de Malcolm X et de Martin Luther King, parce que finalement on a parlé de l'opposition de Killmonger et de T'Challa, et on retrouve des traits de caractère avec d'un côté une pensée un petit peu plus radicale incarnée par Malcolm X et qui prônait son peuple à répondre par la force aux oppressions que vivaient les populations noires, et une dimension plus universelle, je dirais un peu plus universaliste, entre guillemets, de T'Challa, qui renvoie au personnage de Martin Luther King. Donc, comprendre les enjeux, en fait, politiques, avant peut-être d'aborder aussi le Black Panther. Merci beaucoup. Et de mon côté, moi, je vous conseille un manga qui va être édité à partir du 15 septembre, qui s'appelle The Last Kamit, est en fait c'est un lancement, un afro-manga qui vise à pallier le manque de représentation au sein des BD, comics et mangas, avec une épopée à travers le monde et ses différentes coutumes, principalement celle d'Afrique. Le dessin est hyper intéressant, c'est un projet qui m'a vraiment botté. Donc je voulais en toucher un mot, et je trouvais que l'émission consacrée à Black Panther était l'occasion, parce qu'on a énormément de talents. On en a un autour de la table, Gaël, mais on a aussi Olivier Coipel, etc. Et je pense qu'en France, on a plein de talents qui ne demandent qu'à s'exprimer, et effectivement regarder les Américains et dire waouh, c'est vachement bien, c'est cool, mais savoir qu'à côté de chez soi on a aussi des choses à dire, c'est pas mal non plus. Merci Gaël Rokaya Diallo, Arnaud Tomassini et Michel Bampelli. Je vous rappelle que cette émission est réalisée par Céline Hilla, Jeanne Paravert l'a préparée, et aujourd'hui à la technique Dienab Sangaré. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou en parler sur la page Facebook de l'émission, et il y a également Twitter où vous me parlez directement avec le hashtag Blockbuster EFI. On peut peut-être encore te soigner. Why? Pourquoi? So you can just lock me up. Histoire que je crève en tôle. Non. Just bury me in the ocean. Je vais reposer dans l'océan. With my ancestors that jumped from avec mes ancêtres qui ont sauté par-dessus bord. They knew death. Ils savaient que mourir, c'était mieux que de porter des chaînes. Blockbuster est un podcast original de France Inter.